Et la cayabana fleurette écoute. Et la cayabana fleurette écoute. Manina tikani tembea bozoma. Bana fleurette bayeli lisano. Et la cayabana fleurette écoute. Et la cayabana fleurette écoute. Manina tikani tembea bozoma. Bana fleurette bayeli lisano. La flor.